1,39. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Bonsoir, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de rock progressif, Terrain Incognita. Ce soir, Michel et Bruno, Michel Bilodeau et Bruno Côté, on est avec vous jusqu'à minuit et évidemment, attendez-vous à deux bonnes heures de prog, ça c'est assuré. C'est mon ami Bruno, ah mais merci Bruno, c'est vrai. Je ne sais pas si vous entendiez le ventilateur fonctionner à plein régime. C'est vrai que c'est mieux de même, merci Bruno. Donc, je disais plein de nouveautés et on va commencer avec quelque chose qui nous vient de Norvège ce soir. Peut-être que certains vont être familiers avec le nom de Airbag. C'est pas le nouveau Airbag, mais c'est pas loin. C'est le premier disque solo du guitariste de Airbag, Bjorn Riss. Et le titre, c'est Lullabies in the Car Crash. Si vous aimez Airbag, vous allez adorer le premier essai de Bjorn Riss. J'espère que je le prononce comme il faut. Donc, on commence avec ça, et puis, d'ailleurs, on a deux pièces ce soir, moi j'adore. On commence avec Bjorn Riss. Did your father give you hell? Did your mother try to break you down? Did they mess up your head and tighten the strings attached to your bones? Thank you.

close my eyes and leave this madness for a while. Now that everything has gone too far, there's a lady hidden in my dreams, aware of everything I've seen. She always has the right words for me. And whisper to my ear, I hope you've reached the bottom and hope you'll rise to tell the world there's nothing can make you fall again and take off your crown. I hope you've reached the bottom and hope you'll rise again to tell the young ones, yet everyone. And hope you rise to tell

L'Action de grâce au Cercle, ça va brasser. Avec des événements pour tous les goûts et ce, tous les soirs, venez profiter avec nous du long congé. De jeudi à dimanche, le Cercle accueille les spectacles de Heavy Trash, Bloodshot Bill, Beach House, Dead Obies, Pierre Quenders, Southern Cross and Isos. Aussi, du Late Night avec les Jeudis Saint-Roch, Chico Tropical avec High Classified, la célébration des 10 ans de Phono et Disco Jungle. Yeah! Informez-vous sur lecercle.ca. On se voit au Cercle? Hé, hey, de retour. Je vais prendre ma petite feuille pour... Vous me croirez peut-être pas, j'ai de la misère à me relire. Et c'est vrai. Bon, ben écoutez, la dernière pièce qu'on a écoutée, c'était Elephant of Scotland, un groupe, je pense, que de l'État de New York, sauf erreur, de leur second essai Execute and Breath. On avait avant, justement, on vient d'entendre la pub, le Southern Cross qui va être au Cercle demain soir, avec Inner DC, je pense, sauf erreur. Et c'est à 19h. C'est extrait de leur disque. Oui, je le sais. Je vais finir par me redire. From Tragedy. Et voilà. Et on avait, ben, avant tout ça, il y avait Pineapple Thief, le plus récent, qui a pour titre Magnolia. Et on avait entamé la demi-heure avec Bjørn Riis, guitariste du groupe norvégien Airbag. Groupe qui, ben, en tout cas, pour ceux qui connaissent le groupe, vous savez que c'est fortement inspiré de Pink Floyd, et puis lui, ben, je pense qu'il ne donne pas sa place non plus. J'ai bien l'impression qu'il en a écouté lui aussi beaucoup. Donc, Bjørn Riis, c'est nous. Je pense que ça va, écoutez, sauf erreur, je pense que c'est lancé début novembre. C'est peut-être pas encore disponible. Et le titre du disque, c'est Lullabies in a Car Crash. On revient chez nous cette fois-ci, on va aller faire un petit tour du côté de Toronto avec Drock Farben. C'est leur second disque, intitulé Second Sound. Et d'après moi, c'est probablement une des meilleures formations là, prog canadienne, si on fait exception du Québec. Là. C'est vraiment surprenant et très, très, très bon. Donc, Drock Farben, ça vient de Toronto, deuxième disque Second Sound. We'll be right back. give me away. Awaken me to light again. He is a good intent, a rescue plan. Police a priest. Shocking. Thank you. sight. Daylight hurts my eyes. Fall, don't you see the lights falling from the sky? With tears of pain, walking the old road. Here we dream with eyes wide open, following the king.

Vous avez probablement reconnu Glass Hammer tout juste avant avec leur plus récent Auto Echo. Glass Hammer qu'on a eu le plaisir de voir à Québec dans le cadre de la convention Terra en mai dernier. Et on avait amorcé avec Drug Farben, formation de Toronto, qui en est à son second essai. Vous avez remarqué qu'il y a une forte influence de Yes, et même de vieux Yes. C'est très agréable comme clin d'œil, mais c'est plus, il y en a qui me diraient que c'est peut-être plus qu'un clin d'œil, mais enfin. Donc, Second Sound de Drug Farben. On va aller faire un petit tour du côté de la Californie, cette fois-ci, avec des musiciens qu'on a eu le bonheur de voir dans le cadre de la convention. En fait, c'est deux anciens musiciens de Mars Hollow qui ont formé un nouveau groupe qui a pour nom Heliopolis. Et c'est leur premier essai, City of the Sun. Et puis vous allez voir que c'est pas mal dans les mêmes eaux et peut-être un petit cran au-dessus même. Donc, on y va avec, c'est ça, Heliopolis qui veut dire City of the Sun. Et je vous rappelle que vous écoutez Terra Incognita avec Michel et Bruno. C'est notre dernière heure. Et ça va. Il y a plein de surprises encore, n'inquiétez-vous pas. Et puis évidemment, c'est KRL 89.1. Oh,

Yeah. just to hedge our bets. Reaping from the seeds that we have sown, forever paying off our debts. croit vraiment, là. C'est comme si on entendait des pièces non connues de Jethro Tull, période stand-up ou Benefit. C'est surprenant, ça nous vient de Norvège, le groupe Dakar. Et c'était un extrait de leur troisième disque qui s'intitule tout simplement 3. Donc, Dakar. Et c'est pas de même tout le long, là, mais je trouve que c'est vraiment un très beau clin d'œil à Jethro Tull des années 70, même fin 60, début 70. Donc, Dakar 3. Avant ça, on avait des Américains, le Supernal Endgame, le disque Touch the Sky volume 2. Et on avait commencé avec Heliopolis City of the Sun. Je vous disais tantôt qu'il y avait des anciens membres de Mars Solo qu'on a eu le bonheur de voir à Québec il y a quelques années dans le cadre de la convention. Et on retrouve ceux qui ont vu Mars Solo savent de qui je parle, le bassiste, le Kerry Chiquan, qui est tout un numéro. Juste le show, c'est lui, c'est pas compliqué quasi. Et puis, c'est le batteur aussi qu'on retrouve, Jerry Beller. C'est les deux anciens membres de Marcelo. Je pense que Marcelo existe encore, mais je ne gagerais pas. Je ne suis pas sûr. En fait, ça, c'est le show de Terra Incognita a été le dernier spectacle de la formation Marcelo tel que connu là, durant quelques années. Et je pense que. Je ne m'aventurerai pas parce que je ne suis pas sûr, là, mais je pense que Marcelo continue, mais plus discrètement. Bruno me fait signe. Oui, c'est le temps de vous rappeler que vous écoutez Terra Incognita à CKRL 89.1. Dernière demi-heure, on a encore plein de bonne musique, dont Bjorn Riss dans quelques minutes. Assistez à une rencontre hors du commun entre l'écrit et l'image le mardi 14 octobre prochain dans le cadre du Festival Québec en toutes lettres lors du spectacle Paroles sur image. Pour un soir seulement, 4 auteurs et 4 dessinateurs unissent leurs forces pour créer 4 œuvres originales, lues et illustrées en direct. Découvrez les créations de Webster, Catherine Dorion, Pierre Bouchard, Bach et plusieurs autres. Paroles sur image, le 14 octobre, 21h au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est. Macaron de festivalier obligatoire. Réservation au 418-641-6788, poste 125 ou à info@québecentoutelettres.com. Une production de Parenthèse 9, présentée grâce au soutien de Première Ovation et en collaboration avec Le Cercle, le Festival de la bande dessinée francophone de Québec et CKRL. Vous ne pouvez pas vous rendre sur place? Écoutez la lecture des textes en direct sur les ondes du 89.1. Vous n'avez pas assez de temps pour vous et votre famille? Pensez à Gestigroup, un service de nettoyage résidentiel et commercial. Gestigroup vous offre des services d'entretien réguliers et de nettoyage spécialisés. Pour le nettoyage des fenêtres, les conduits de ventilation, le nettoyage après construction, le décapage, le cirage de vos planchers ou l'entretien ménager régulier, Gestigroup vous assure un travail de qualité optimale avec une assurance qualité garantie à 100%. Évaluation gratuite. Visa et Mastercard sont acceptés. 1-844-255-LAV, 1-844-255-5283. Visitez notre site web pour les promotions en cours, www.gestigroup.com. Thank you.

saw you wave goodbye to me in a dream a while ago. Now the waves of sound remain. They never let me go. Sound remain. They never let me go. And now the waves of sound remain. Beauty so abstract, the rain will never end. Sign the Hitler's badge. I never buy my love for free. And now the waves of sound. So abstract, the rain quelque chose que je dis pas souvent, là, mais le voici. Un groupe autrichien. Donc, je sais pas si on prononce Phi ou P-H-I ou P-H-I. Enfin, là, vous comprenez que c'est trois lettres, P-H-I ou Phi. Et le disque porte titre Now the Waves of Sound Remain. Je pense que c'est leur troisième essai, sauf erreur, ou leur quatrième. C'est peut-être, en tout cas, à mon goût, c'est peut-être le plus raffiné de ce qu'ils ont fait à ce jour. Et puis, ben, c'est ça. Ça nous vient d'Autriche. Puis avant, ben, là, croyez-le ou non, Curved Air. Je pense que les vieux tripeux des années 70 vont se rappeler de Curved Air. Un nouveau disque, leur premier disque en 38 ans. Oui, en 38 ans. Non, oui, sérieux. Je sais pas ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps-là, mais ils nous reviennent avec North Star. Et puis, je dois avouer que c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. C'est surprenant. Je m'attendais à pas grand-chose. Moi, je me suis dit, 38 ans après, qu'est-ce qu'un groupe peut faire? Mais c'est vraiment bon. Donc, Curved Air, retour avec North Star. Et on avait amorcé avec Bjorn Riss, Lullabies in the Car Crash, un espèce de slow blues spatial, vraiment très bon. Et c'est tout pour ce soir. Je vous invite à rester des nôtres pour l'autoroute dans quelques instants, et puis revenez-nous la semaine prochaine, Terra Incognita. Téléchargez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Hi. Dix bières bouteilles, huit bières en fût. Dix bières bouteilles, huit bières en fût. Un service casque et un Randall. La Barberie vous propose ses bières et tapas, les bières fromage, les dimanches stout et les mardis apportez vos vinyles et plus encore et encore plus. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, suivez-nous sur Facebook. Je te dirais que ça a été dans les premiers bands à jouer très pesant, un peu comme les Power Trio à la Blue Cheer. Tout ce qu'on a pu entendre, ça bouchait en motésie. Restez avec nous. Dans un instant, l'autoroute. Les arrangements de cordes qu'on entend là-dessus, d'abord, il y a une citation de la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak dans le refrain. Okay. Come on, come on, come on, come on.